J'engage la responsabilité de France Inter. Oui, c'est une émission moderne que vous allez entendre. Les Français ont besoin de voir les signes de la déconne. Alors, de toute façon, notre émission... Ben exactement, c'est exactement ça. De toute façon, vous n'avez pas le choix. On a imposé notre émission par 49.3 et par 17.08, qui est l'heure sur France Inter actuellement. 08. Merci Laetitia Gaillet. On retrouve l'information à 18h, bien sûr. Et puis vous, on vous retrouve demain avec plaisir. Écoutez ce qui s'est passé ce matin lors de notre conférence très sérieuse de rédaction. Salut les amis. Salut Charline. Oh, je suis en forme, j'ai plein d'idées. Ah super. Bah, je vous offre un café d'abord. Non, ça va, pas la peine. Ah bon, d'accord. Bah comme ça on commence tout de suite. Hein. Allez, on y va, alors, c'est parti. Sujet 3, j'ai écouté Léa Salamé avec Eric Ruff ce matin. Ouais. Je voudrais qu'on parle de la Comédie Française. Bon. Voilà. Oh non, hein, bah, les filles. Non, le théâtre. Oh, le théâtre. Alex, le théâtre. Alors, moi quand j'écoute le 7h50, j'écoute que Léa Salamé, je ne sais pas ce qu'il a raconté. OK. Je laisse en suspens. Ah sinon dans Libé, il y a un sujet sur les familles recomposées, ça c'est bien. Ouais, moi j'en ai beaucoup souffert quand même. Ouais, c'est lourd, hein. Ouais, le thème est un attends, et non, il y a moyen de rire quand même. C'est pas très chouette pour Guillaume. Moi, j'en ai pas beaucoup ri à l'époque. Ok, on verra. Bah, ouais. Voilà. Sinon, en thème 1, je crois que c'est une évidence. Ah oui, là oui. Bah non. Comment ça, non, mais l'événement du jour, enfin. C'est le 49.3. Mais si, enfin, mais c'est dingue cette histoire. Mais c'est la deuxième fois qu'il fait ça. Si chaque fois que Valls utilise le 49.3, on doit le traiter comme sujet. Il reste deux ans quand même. Alors, parce que vous savez quoi? Parce que quand même, c'est. Mais t'énerve pas. Je ne m'énerve pas. Voilà, je vais faire mieux. En tant que dirigeant de l'équipe, je vais engager ma responsabilité. Je vais utiliser le 49.3. Alors, sujet 3, Comédie Française. Sujet 2, famille recomposée. Sujet 1, je ne dois pas vous le mentionner. Mais on n'a même pas voté. C'est ça, c'est le principe du 49.3. Mais c'est dégueulasse. Et puis vous allez tous prendre un café, tous, parce que je l'ai décidé. Voilà. Ok. Ah, je crois que je commence à comprendre Manuel Valls. Je crois que je commence même à l'aimer, en fait. Bonjour la France Inter, bonjour à tous et bonjour Manuel Valls. Vous écoutez l'émission qui accroche l'actualité à la remorque et voici les trois informations qu'on va trimballer jusqu'à 18h. Et aujourd'hui, le numéro gagnant est le 49.3. Le 49.3 est une brutalité, le 49.3 est un déni de démocratie. Ah bon, attendez. Alors, 10% des ménages français sont des familles recomposées. C'est un nouveau marché qui s'ouvre pour les spécialistes du consulting, du coaching et tous ces trucs qui finissent par ing et qui rapportent du blé. Du blé. Voici la famille du cœur. La famille du cœur, c'est la famille du bonheur. Ça compte les trucs bling bling aussi. Le nouvel administrateur de la Comédie Française présente sa première saison, tandis que Jérôme Deschamps fait ses adieux à l'Opéra Comique. Oh, le kiff, ce serait un mélange des deux. Aujourd'hui, date anniversaire d'aujourd'hui, la Comédie Française rend hommage à Christian Tekeptehur. Merci de ne pas applaudir. Et pour surveiller qu'on ne perde pas ces infos en cours de route, je suis accompagnée d'Alex Vizorek. Mais bonjour Charline Vanhoenacker, et aujourd'hui une tablée de jeunesse à 17h20. Le poète de cette émission, il est capable de faire rimer actualité avec musique alors que la linguistique elle-même n'y arrive pas. Le Victor Hugo de l'actualisique, Thomas Védé. Tout à fait, le Victor Hugo de l'actualisique. De quoi on va parler? On va parler eh bien, tout simplement des chanteurs qui se font mal sur scène. Et on va rigoler du coup. C'est un bon thème pour vous. À 17h30, il ne fait rien rimer, voire ce qu'il fait ne rime à rien. Et c'est pour ça qu'il est le meilleur dans sa catégorie, car il n'a la prétention que de démasquer celle des autres. Bonjour Guillaume Meurice. C'est bon. C'est beaucoup de travail surtout. On dirait du Alex Vizorek. Bonjour Charline, bonjour Alex. Moi je me suis rendu à l'Assemblée Nationale ce matin pour parler du 49.3 avec les députés, notamment avec Daniel Fasquelle, député républicain du Pas-de-Calais. C'est malheureusement la République des coquins. Oh la République des coquins, il est mignon Dany. Désuet mais mignon. C'est à 17h40, celle qui s'il le faut rime des mots pour nous expliquer la science, même on peut le dire, elle a la science du jeu de mots. C'est Nicole Ferroni, bonjour. Bonjour. Ne faites pas l'innocente. Non, c'est vrai. Vous êtes la dernière en fait. Aujourd'hui, on parlera. Les jeux de mots sont très bons. Des abeilles pour une chronique douce comme le miel. Mes jeux de mots sont très bons. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous décrochez votre premier rôle dans La maman et la putain de Jean Eustache en 73. C'est l'année où Brigitte Bardot arrête le cinéma. Vous chantez C'est la Ouate en 86, c'est l'année où Téléphone se sépare. Et vous mettez en scène et vous interprétez les monologues du vagin en 2007, quand DSK devient président du FMI. Mais a priori, il n'y a pas de lien entre les monologues du vagin et DSK. Vous êtes Caroline Loeb. Oui, c'est ça. Oh, j'ai tort, j'ai... Oh, le suspense. Charline Van Nacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. J'ai eu un doute, un moment. Il n'y a pas j'ai de piège. J'ai eu un doute, je me suis dit que c'est Caroline Loeb. Moi, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui va se passer cette année, puisque je suis sur scène en ce moment avec un spectacle, donc il y a une catastrophe imminente, c'est non. ça Non, il n'y a que des catastrophes. Vrai, vous oui, avez relié des catastrophes. C'est enfin, oui. l'arrêt peu... de Brigitte Bardot au cinéma, c'est discutable. D'accord, c'est, ça n'engage que vous. Oui, vous êtes sur scène, George Sand, Ma vie, son œuvre, avec une mise en scène d'Alex Lutz et des costumes de Jean-Paul Gaultier. Alors, vous serez au théâtre du Marais à Paris en septembre, chaque week-end. On peut aussi vous retrouver du 4 au 26 juillet au Festival d'Avignon, au théâtre Le Coin de la Lune. Et Alex Vizorek est allé vous voir à Paris. Moi, je suis allé voir. Et il a détesté. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. C'est un super théâtre. Alors, si vous vous attendez que Caroline revienne à Paris. Donc, allez pour le théâtre. Mais non, parce qu'on est proche du comédien. Alors pourquoi ma vie sont assis, laissez-moi pitcher cette affaire. Et vous m'arrêtez si le pitch est mauvais, parce que c'est votre vie. C'est vous qui, au début, vous nous expliquez au public qu'en fait, vous êtes obligé d'écrire un spectacle sur George Sand. C'est une commande, et puis vous, comment dire, vous imprégnez de son œuvre, vous passionnez pour elle, et nous, on en apprend ce qui, sans doute, vous a marqué par rapport à elle. Alors, on apprend surtout que ce n'est pas que la maîtresse de Musset, pas que la maîtresse de Chopin, c'est aussi la maîtresse de Prosper Mérimée. Et ça, je l'ai découvert. Ils ont passé une seule nuit ensemble, et elle a dit : j'ai eu Mérimée, c'est pas grand chose. Et lui, il lui a laissé un bifton sur la cheminée avant de s'éclipser au petit matin. Oui, non, ça n'a pas été la folle nuit d'amour. Mais c'est pas. Enfin, on le sent, cette femme vous passionne quand même derrière l'actrice qui doit rendre un spectacle. Pas quand même, tout à fait. Oui, c'est vrai que on est parti du principe de faire une mise en abîme. Enfin, le mot fait un peu pompeux, mais l'idée c'est. Non, mais on comprend. Vous suivez. C'est de montrer l'écriture d'un spectacle sur George Sand, parce qu'en fait, elle a une vie tellement hallucinante, elle a vraiment mille vies, que déjà, en trois jours, c'est impossible de le raconter. Alors, en 1h10, c'est carrément no way. Donc, en 1h10, par le biais de la mise en abîme, j'arrive à parler de vraiment ce qui me touche, ce qui m'intéresse, et de le rendre moderne, vivant et rigolo. C'est un procédé donc qui permet de faire des choix arbitraires. Absolument. Sur la vie de George Sand. Et de dire, ah, mais j'ai pas parlé de ci, j'ai pas parlé de Majorque, j'ai pas parlé de Corambé, j'ai pas parlé... Et quand même de les nommer si on développe pas tout. Et George Sand, cette femme qui a défié les hommes à l'époque, ça vous a impressionné, mais que vous nous dites aussi, et ça je savais pas du tout, qu'elle était au point de faire des costumes pour les marionnettes de son fils qui était marionnettiste. Et là, on retrouve une vraie maman très très femme, féminine. C'est pas que son fils était marionnettiste, c'est qu'en fait son fils faisait 10 000 choses. Il a été l'élève de Delacroix, il peignait, il écrivait, il faisait des gravures pour ses livres, et à un moment donné, avec un copain, ils font les cons derrière une chaise avec deux bûches, et ils sont tellement créatifs, si vous voulez, on est à Nohant, en 19e siècle, il n'y a pas la télé, il n'y a pas la radio, le soir on s'emmerde, il faut quand même le dire, donc il faut bien trouver des choses à faire, et on ne peut pas faire que de la broderie au point de croix, donc tout à coup ça devient... un jeu de faire du théâtre, et au fil des années, ce jeu qui commence avec deux bûches devient un vrai théâtre avec plus de 200 personnages. L'amant de George Sand, son dernier amour, Alexandre Manceau, fabrique des effets spéciaux, de la faute de l'éclair. Ça devient extraordinaire, et les gens viennent de Paris en calèche, deux jours de calèche, pour assister aux pièces de théâtre. Et donc George Sand, c'est pas tellement en bonne maman, elle fait des costumes, c'est que elle fait tout, en fait. Elle s'occupe de son potager, elle s'occupe de la maison. Quand elle a 5 minutes à s'emmerder, elle fait des costumes pour les marionnettes. C'est pas l'image de Sand qu'on a. Cette femme libre, comme ça, qui... C'est surtout une femme d'une curiosité absolument incroyable, vraiment à 360 degrés. Et vous n'êtes pas seule sur scène, puisque vous êtes accompagnée d'un pianiste. Pianiste, accordéoniste, percussionniste, voilà. Un multi-instrumentiste. Mais la Caroline... C'est Rémi Bricard ? Ouais. C'est pas lui, mais elle. Donc la chanteuse Caroline Loeb n'a pas pu s'empêcher quand même de mêler les deux. Bah pour moi, la chanson, c'est quand même un petit peu important. J'eus bien aimé ça. Non, j'ai toujours adoré la chanson. Et la musique dans la vie de Sand était très importante. C'est-à-dire qu'elle disait qu'elle jouissait de l'oreille. Je le dis dans le spectacle, quand Liszt jouait du piano, elle se couchait dessous. Elle disait, j'ai la fibre très forte. Je ne trouve jamais les instruments assez puissants. Et c'est vrai que moi, j'ai un rapport très, très physique à la musique aussi. Et la mère de George Sand chantait des chansons. Voilà. Donc la musique, elle fait partie intégrante de la vie de George Sand. Et pour moi, c'était une façon d'écrire écrire des nouvelles chansons liées à voilà à ce personnage. Enfin, c'est comme une mini comédie musicale à deux personnes ou un mini opéra à deux personnes. Mais sans Kamel Wally, hein, précisons. Pour ah oui, non, non, voilà. Je fais pas de garantie 100% d'extravagance. Kamel Wally. Alors, si vous vibrez à la musique de T-Rex. Oui, ce single de 73, ouais. En pleine période glam génial. Rock pour vous, Caroline Loeb, George Sand, ma vie, son œuvre, dans une mise en scène d'Alex Lutz, les costumes de Jean-Paul Gaultier, par exemple au Festival d'Avignon ou au Théâtre du Marais à Paris. Century Boy sur France Inter. Et autour de la table, eh bien, Guillaume Meurice, Thomas VDB et Nicole Ferronnier, notre invité, Caroline Loeb, alias George Sand, pour ce mois d'été à Avignon. Allez, avec Alex, on consomme massivement l'actualité, on passe les infos à l'essoreuse, on fait la lessive en duo. Allons-y. Charline Vanhoenacker. Que je salue. Alex Vizorek. C'est quoi cette histoire? C'est l'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence par une bonne idée. Oui, Dalil Boubaker, le président sortant du Conseil français du culte musulman, pense avoir eu une bonne idée, transformer les églises abandonnées en mosquées. Et ça, c'est une excellente idée. En plus, les musulmans vont adorer ça. L'idée de prier sous un juif pendu sur une croix, ça va beaucoup leur plaire. Revenons à la politique. Oui, direction Montauban à présent, où Madame le maire du parti Les Républicains est actuellement en garde à vue. Oui, elle cherchait depuis un moment à rencontrer Claude Guéant. Non, non, t'es en garde à vue pour détournement de fonds publics. Ah, on fête donc aujourd'hui la première garde à vue républicaine. C'est ça, bienvenue. Il faut changer de nom maintenant, si vous voulez. Alors, on passe au Figaro. Alors, après la victoire de Joël, c'est qu'elle dirait loi plutôt. Vous aimez bien ce thème-là, il me semble-t-il. Mm-hmm. Le journal a titré « La droite renforce ses positions ». Oui, et la semaine dernière, Nicolas Sarkozy avait rendu un vibrant hommage à la ville en disant « Jamais je n'aurais pu faire cette carrière politique sans Puteau ». Ah oui, donc cette fois on tient les vrais responsables. Alors, ouais, ouais. Et rappelons qu'à Puteau, la victoire s'obtient en arrosant les électeurs de cadeaux, notamment d'électroménagers. Oui, et d'ailleurs quand Nicolas Sarkozy passe à Puteau, la maire lui dit systématiquement « Nicolas, tu es ici, chez toi ». Ce à quoi Carla a répondu « Non merci, j'ai déjà un aspirateur ». Quant à la cocotte minute, je vous rappelle que je suis mariée avec. Passons à la gauche. Oui, avec Axelle Lemaire, la secrétaire d'État au numérique, qui nous mâche le boulot. Et oui, il nous mâche le boulot, puisque moi je passe la journée à chercher des bons sons pour vous amuser, tout ça. Et aujourd'hui, je n'ai eu qu'à suivre un tweet d'Axelle Lemaire qui disait « Ça m'a fait ma journée » et qui reliait à une vidéo de la société Ametix, spécialiste du recrutement et de l'ingénierie web et web marketing, qui pour recruter a fait un petit clip qui certainement plaira aux jeunes. Si ton domaine, c'est le web marketing, ton FM, y a tout le monde qui t'appelle le jingle. On dirait que ça m'avait débé. C'est bien, ça ressemble à un jingle un peu, ouais. Voilà, je vous le conseille évidemment. Et dans le clip, il y a un petit guest, à vous de trouver. Allez les gars, un petit effort. Prenez-moi. Je suis doc quand même. Doc gynéco. Doc gynéco, normal voilà. Qu'il fasse rire la gauche depuis qu'il a soutenu Sarko. Mais pourquoi elle aime tant ce clip, Axelle Lemaire, au point de le tweeter? Si tu vises le ciel comme Xavier Niel, choisis tes armes et pas le spam. Dédicace à ma mère et à Axelle Lemaire. Merde. Et oui, depuis La Fontaine, rien de neuf. Tout flatteur 2.0 vit aux dépens de celui qui l'écoute sur le net. Bienvenue sur France Culture, jusqu'à 18h, on convoque l'actualité à la barre avec Caroline Loeb. Premier sujet avec vous, on voulait avoir votre avis de citoyenne, engagée. Sur ce premier sujet, Manuel Valls est un homme à poigne, il aime sortir les pectos et le 49-3 pour faire la loi. Pourtant, en pays démocratique, il existe bien d'autres options. Bon, alors trois alternatives s'offrent à nous, enfin, s'offrent à vous. La sécuritaire, d'accord. L'équilibré ou l'offensive? Laquelle choisissez-vous? Offensive, je prends la solution. J'ai choisi, ça y est. Je suis sûr de moi. Je prends l'offensive. Ferme ta gueule. Ok. Vous avez reconnu Caroline Loeb, cet extrait au passé? Non, c'est qui? Jean-Paul Rouvre et Benoît Poulvord dans Podium. Ah oui, que j'ai vu. Oui, oui. Voilà. Alors, comment est-ce que se sent la citoyenne qui est en vous quand le Premier ministre sort le gros calibre, le 49-3. Ben justement, ça fait 6,35, hein, 49-3. Ah oui, c'est vrai. C'est surtout c'est ça qui le fait que ça me fait. Voilà. Je cherchais depuis ce matin et je ne trouvais pas. Vous me l'enlevez de la bouche, c'est vraiment ça. 6,35, c'est un flingue. C'est un peu le calibre. Ouais. Mais oui, il y a eu un film. Est-ce que vous suivez un petit peu cette affaire où les charmes de Manuel Valls vous font passer ouais, n'importe quelle mesure? Je suis un peu, mais pour tout vous dire, les comédiens, les chanteurs qui commentent la politique, ça me saoule un peu, donc je ne vais pas faire comme... Ça vient pas du tout. Non, c'est pas l'objet de cette émission. Non, parce que là, j'ai d'autres sujets qui m'inspirent beaucoup plus. Ah, la comédie française, les familles recomposées. Oui, bien sûr. Donc, je vous laisse avec la politique. Alors, vous parliez d'acteurs qui commentent. Alors, évidemment, par exemple, Gérard Depardieu, lui commande beaucoup. Ah bah alors, il a lui, commandé il fait que ça. Hier matin sur cette antenne face à Léa Salamé. C'est le côté Samsoul qui fait le lien. C'est bien vu. Justement, il en a parlé hier. Gérard Depardieu dit « La France s'ennuie ». Parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec lui, elle s'ennuie parce que dans tous les secteurs de la vie publique, politique, médiatique, artistique, elle ne produit plus rien qui ait pour ambition de se distinguer. C'est le sentiment que vous avez aussi ou vous trouvez? Non, d'abord, je trouve ça grotesque de dire la France, parce que déjà, moi, je suis française et je ne m'ennuie pas du tout, mais pas une seconde. Tu t'emmerdes, toi? Là, un petit peu. Ah ouais, depuis que je parle, en fait. Depuis que vous ne voulez pas réagir sur l'actualité, oui, un peu. Non, c'est toujours. C'est que les politiques, ils disent toujours les Français pensent que, la France pense que. Non. Ça, j'y crois pas du tout. Alors, Gérard, tu penses que tu veux, mais la France, c'est autre chose. Voilà, Gérard n'est plus français, il ne sait plus ce que c'est. Alors, en fait, George Sand, c'était déjà une frondeuse de la République, non? Ah, ben George Sand, c'est quelqu'un qui s'est battu. Elle s'est battue pour la République. Alors, j'ai découvert des choses extraordinaires. Elle a fondé un journal qui s'appelait La Cause du Peuple. avant Jean-Paul Sartre. Et elle faisait partie des 48 arts qui étaient l'équivalent des 68 arts. Donc il y a plein de liens entre la révolution de 1848 et celle de 1968, sauf que 1848, ça a été quand même plus une révolution. Donc voilà, c'est quelqu'un qui était très engagé pour les idées humanistes. Il y a quelqu'un auquel elle doit beaucoup, c'est Michel de Bourges. Ça vous dit peut-être rien, mais c'était un grand avocat qui lui a présenté tous les Vous voulez dire qu'on n'est pas cultivé, c'est ça? Parce qu'on connaît très bien Michel de Bourges. On l'a reçu la semaine dernière. Je me suis trompée de porte. Je pensais que je venais à France Culture, effectivement. Pauvre. C'est la boulette. Non, mais voilà. Non, c'est vrai que Sand, au-delà d'avoir été la maîtresse de grands poète et de grands musiciens, elle a été très proche de Arago, Barbès, Ledru-Rollin. Alors on croit que c'est des stations de métro, mais avant d'être des stations de métro... Sorti avec la mode Piquet-Grenelle aussi. c'est quand même des gens qui ont posé les fondements du socialisme, du progrès social. C'est des gens qui ont... C'était les premiers grands humanistes. Donc elle était vraiment à un niveau de pensée magnifique. Elle a dit une phrase que je trouve absolument sublime. Elle dit « Je dis que c'est le communisme qui est le seul vrai christianisme. » Voilà, avec une espèce de vision vraiment... Vous avez trois heures, parce que demain c'est le bac philo. Vous avez trois heures, parce que demain c'est le bac philo. Est-ce qu'on peut dire que si elle avait été à votre place, elle aurait beaucoup aimé commenter l'actualité, Georges Sand? Sûrement plus que moi. Un autre frondeur, c'est ça, frondeur musical. Frondeur du jingle. Eh oui, c'est le moment de Thomas Védébé. C'est, je crois, le moment. C'est la page actualitique de Thomas VDB. C'est un mélange de musique et d'actualité. Si tu prends de la musique et de l'actualité. De l'actu, de la zik, c'est l'actualisique. Actualisique, c'est une rubrique vraiment fantastique. Actualisique, c'est la meilleure rubrique, on est content. Tu peux baisser le son, j'ai plus de paroles pour après. Voilà, merci. Et bienvenue à tous dans cette nouvelle rubrique actualisique. C'est la moitié de la chronique, dans le chronique. C'est-à-dire qu'on comprend aussi pourquoi c'est filmé, parce que... Mais déjà, je suis content que vous compreniez. Je suis content que vous compreniez. Alors, c'est la page actualisique, chaque nouvelle rubrique, chaque nouvelle chronique, un nouveau jingle. C'est l'actualisique qui vient de commencer. Il faut savoir que ce week-end, il y a un groupe américain qui s'appelle les Foo Fighters. Il est crevé avant qui donnait... j'étais tendu avant ce jingle, mais on l'a bien vu parce que c'était le jingle kata, on appelle ça. Hein. Alors ce week-end, donc, il y a le groupe américain qui s'appelle les Foo Fighters qui donnait un concert en Suède. Les Foo Fighters, c'est le groupe de Dave Grohl, l'ex-batteur de Nirvana. Qui donc, après avoir connu le succès de son premier groupe avec la mort de Kurt Cobain, il a connu la gloire une deuxième fois en devenant le chanteur des Foo Fighters, qui est aujourd'hui un des groupes de rock les plus reconnus du monde. Il faut savoir que dans le milieu du rock, pour donner une idée, Dave Grohl, c'est un peu l'équivalent de George Clooney. C'est vraiment le mec, il est toujours sympa, tout lui réussit, voilà, il est toujours en train de boire du café. Alors, ce week-end, donc... Et comme George Clooney, il perd ses pompes, Dave Grohl, c'est ça, dans le... Je vais virer cette vanne qui arrivait après. Alors, en tout cas, donc ce week-end, vous êtes avec des pros, ça m'a mis des ce week-end, il y avait un concert donc du groupe qui était annoncé à Göteborg en Suède. Donc le public est dans le stade et attend donc l'entrée en scène du groupe depuis une heure ou deux à peu près, donc sur la pelouse. Les Foo Fighters arrivent, tout le monde crie, sont contents, ils jouent un premier morceau. Et là, pendant le deuxième morceau, Dave Grohl se prend la chaussure dans un câble. Ah, ça y est, la pompe. Si vous préférez Dave, voilà, comment se faire savonner une blague par Caroline Love. Merci. Dave se prend la grohl dans un câble, si on préfère, et il tombe de scène. Alors il y a une vidéo. Il y a une vidéo de l'accident de Dave Grohl qui tombe de scène. Et d'un coup, évidemment, il fait moins penser à George Clooney. On pense plus peut-être à l'univers de Pierre Richard. Et là, Dave Grohl, il est par terre. On est toujours dans les chaussures. On est toujours dans l'univers des Foo Fighters. Ça joue en vrai, tout simplement, de vous taire. Alors Dave Grohl, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il est par terre et il se redresse. Et là, il dit comme ça à tous les membres du public. Il dit « Les gars, je crois que je me suis cassé la jambe. » Et là, les gens, ils sont un peu bêtes parce qu'ils croient que ça fait partie de la chanson. Ils répètent les paroles. Ils sont là « Je crois que je me suis cassé la jambe. » Il dit « Non, mais mec, j'ai vraiment mal. »« Bon. » Non, c'était vraiment cassé la jambe. Donc là, Dave Grohl, c'est vrai, ce que je raconte est vrai. Il dit « Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez m'attendre ici. Je vais aller à l'hôpital, me faire plâtrer la jambe et je vais revenir ici terminer ce putain de concert. » Et Dave Grohl, il est allé à l'hôpital, il s'est fait plâtrer et il est revenu terminer son concert. Alors franchement, j'adore les Foo Fighters, mais de là à attendre deux heures le concert d'un mec pour qu'il arrive, qu'il joue seulement un morceau et qu'au deuxième il dise « Bon les gars, je vous laisse, je reviens dans deux heures. Hein, » je pense j'aurais dit « Non mais vas-y, laisse tomber, on va rentrer nous en fait. Hein, » je pense que ça fait trois heures qu'on est debout déjà, on s'achètera le DVD live, on l'écoutera en imaginant qu'on y est. Hein, à la rigueur, t'as qu'à mettre ta radio dans les bonus du DVD avec l'ordonnance de la pharmacie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, c'est vrai, il y a une espèce de défi qui s'est lancé chez les chanteurs pour terminer leur concert quand ils sont blessés. Hein, il n'y a pas longtemps, c'est Enrique Iglesias, le fils de Julio Iglesias, qui donnait un concert filmé par plein de caméras, dont une qui était fixée sur un drone. Et à un moment, le drone, il s'approche de lui sur la scène, et lui, il se dit, tiens, je vais attraper le drone en plein vol. Ah, c'est un petit peu con comme réaction. Hein, c'est comme se dire, tiens, le ventilateur, là, tu vois, je vais le mettre au maximum, et je vais l'arrêter avec mes doigts. On dit, ben non, il ne faut pas le faire. Hein, parce que c'est pas une bonne idée, parce qu'il y a des gens, ils sont partis du concert d'Enrique Iglesias en se disant, c'est incroyable le tour de magie qu'il fait avec ses doigts qui s'envolent. Eh ben non. Et donc, le mec, il a terminé son concert avec des petits bouts de doigts en moins. Non, alors, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, absolument. La chemise en sang et tout ça. Ce défi, je le dis, commence à aller trop loin aujourd'hui. Bientôt, t'as un chanteur qui va arriver sur scène. Il va se faire amputer les deux bras. Il va dire, les gars, je vais aller à l'hôpital. Je vais faire recoudre ces deux putains de bras. Je vais revenir finir le concert. Eh ben, Dave Grohl, c'est pareil. Il a fini le concert. Mais c'est vrai que dans l'absolu, quand on a été dans Nirvana, dont le chanteur est devenu légendaire en se suicidant, c'est bizarre pour Dave Grohl de se dire, bon, ben, moi, ce que je laisse à la légende, c'est une radio du fémur. Alors, en tout cas, c'est vrai que quand, faut quand même un maximum de courage pour remonter sur scène après de s'être fait mal comme ça. Mais c'est ça, le respect du public. Faut savoir que moi, il y a deux semaines, je devais jouer au Bataclan. Et juste avant de monter sur scène, je me pince les doigts dans la porte. Vraiment gros pinçard. Donc, je vais voir le producteur et j'ai dit, tu sais quoi, regarde le pinçard, je me suis fait quand même très mal, mais je veux jouer quand même le concert. Et le producteur m'a dit, écoute, on n'a vraiment pas beaucoup de réza, de toute façon, on va annuler. Là, je dis, voilà, mais faut savoir que malgré tout, j'étais prêt à terminer ce concert. Merci à Thomas VDB. Merci Thomas VDB pour cette page actualisique que vous pouvez réécouter sur franceinter.fr parce que ça fait du bien. Allez, on va passer à la musique avec Isia. Les Arocs disent, avec la vague, Isia Higelin se noie dans les clichés de la pop française. C'est hargneux un Aroc. C'est pas un compliment. Hein. Non, c'est pas un compliment. Alors jugez vous-même, c'est la vague, c'est sur France Inter, là tout de suite. Just la vague. Si vous avez aimé, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec les Inrock. Mais ouais, voilà. Ce n'est jamais gravissime. Bon, non, c'est pas grave du tout. Vous êtes si vous n'avez pas aimé, vous êtes d'accord avec Charline Van Fayot. Ça balance, ça balance. Regardez, ben oui, heureusement qu'il y a Caroline Loeb avec nous. Hein. Georges Sand, Ma vie, son œuvre. Vous pourrez la voir au Festival d'Avignon à partir du 4 juillet au théâtre Le Coin de la Lune. Et puis à Paris, ce sera à la rentrée de septembre, chaque week-end, au théâtre du Marais. On est ensemble jusqu'à 18h. Le DUT de gestion mène à tout. Hein, oui, c'est moi pas ça. C'est oui, vous, hein, c'est vous, Guillaume Meurice. Tout à fait, c'est mon moment, c'est ça. Oui, c'est le bon. Moment Meurice. Alors, j'ai pas de jingle, hein, je suis désolé. C'est bien fat ce début, je trouve. Après vous. Non, je voulais vous rappeler que la France est une démocratie, gouvernement du peuple. Pour le peuple, par le peuple. Bim ! Allez, toujours commencer sa chronique par une excellente blague. Et celle-ci, elle est vraiment très très bonne. Elle n'est pas de moi, hein. C'est une des blagues préférées de Manuel Valls, avec sa fameuse blague du 49-3. Alors c'est sûr, faut aimer le comique de répétition. Mais est-ce que ça fait rire les députés ? Pour le savoir, je me suis rendu à l'Assemblée nationale ce matin pour les interroger. Qu'en pense par exemple Éric Ciotti, député républicain des Alpes-Maritimes ? Refuser manifestement toute forme de débat à l'Assemblée nationale, me paraît extrêmement choquant. Pourtant, votre famille politique l'a déjà utilisé, le 49-3. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, n'a jamais utilisé le 49-3. Mais de Villepin, oui. Peut-être, mais c'est sûr. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy et François Fillon n'ont jamais utilisé cette procédure. Donc, vous pouvez y voir un signe de force. C'est votre analyse, c'est pas la mienne. Voilà, donc Éric Ciotti fait des réponses à ma place à des questions qu'il ne m'a pas du tout posées. Tout va bien. Alors, c'est pas le seul à rechigner à répondre. J'ai également rencontré Thierry Soler. Il est député républicain des Hauts-de-Seine et il est chargé d'organiser la primaire à droite. Hein, donc, c'est un gars qui aime bien se mettre dans la merde tout seul. Je vous rappelle que dans le top 3 des souffrances inutiles, il y a se brûler les testicules au chalumeau, écouter un disque de Lara Fabian sans casque anti-bruit et organiser la primaire à droite. Alors, qu'est-ce qu'il pense de l'utilisation du 49-3, Thierry ? Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour lui et son Premier ministre pour faire voter les réformes dont le pays aurait pourtant bien besoin. Que ce sera, soit en termes de fiscalité, j'ai entendu. Bah alors, pourquoi vous ne le votez pas, vous ? De quoi donc ? Bah, la loi. Il n'y a pas de vote sur la loi, il y a un 49-3. Donc, soit sinon, vous l'auriez voté ? Moi, je l'ai déjà dit, il y a des aspects de la loi qui ne me dérangent pas, il y en a qui me dérangent. Et donc, vous ne le saurez jamais, parce que je n'aurai jamais l'occasion de voter cette loi ou de m'y opposer. Bah, je le saurai, parce que je vous le demande, et vous êtes sincère, vous allez me le dire. Est-ce que vous auriez voté la loi ? Il y a des lois, et surtout sur celle-là, où il y a de nombreux aspects où on y est très favorable, et il y a des aspects où on y est très défavorable. Ça, j'ai bien compris. Voilà. Mais ce n'était pas ma question. J'ai compris que c'était ma réponse. C'est bien ma réponse, bien, d'accord. Parce qu'il est bien bâti si vous en collez une. Ça les arrange bien, en fait, finalement. Ben oui, en fait, oui, parce qu'en fait, ils l'auraient tous voté, la loi. Oh là là, voilà. Là là là. Enfin bon, hein, ils ne s'emmerdent pas à me répondre, je comprends, il a suffisamment de problèmes avec Lara Fabian, son chalumeau et la primaire. Mais du coup, comment il voit l'avenir, Thierry ? Ça va être long d'attendre l'élection présidentielle de 2017 pour que le pays se redresse. Mais ça, c'est bon pour vous ? Ça veut dire que c'est bon pour 2017 ? Moi, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que c'est bon pour la droite si la gauche enfonce le pays dans l'abîme. Moi, je préférerais que la gauche réussisse, même si ce serait pas bon pour la droite. Non, on a dit que vous étiez sincère. Mais c'est pour ça, je vous le dis. Parce qu'on a dit que j'étais sincère, je vous le dis sincèrement. Oh, sincèrement, il veut que la gauche réussisse pour son pays. C'est d'une beauté. C'est mignon, la droite complexée, hein, c'est chou. Mais bon, il me fallait un vrai de vrai. Un Daniel Fasquel, député du Pas-de-Calais et trésorier des Républicains. Donc, un type bientôt mis en examen. Pour lui, le 49-3 est un déni de démocratie. Donc, j'avais une question pour lui. Est-ce qu'un ex-UMP est bien placé pour donner des leçons de démocratie ? Je ne vois pas ce dont vous voulez parler, ce que je constate. Copé-Fillon. Attendez, Copé-Fillon, c'est du passé. Nous avons eu des difficultés aussi à introduire un fonctionnement démocratique de notre mouvement, parce que ça n'était pas toujours la tradition. Vous avez découvert la démocratie il n'y a pas longtemps, et maintenant vous y tenez. On n'a pas découvert la démocratie il y a très longtemps. C'est ce que je dis. Et les convertis, ce sont souvent les pires. Hein, quand Valls va découvrir le socialisme, faites gaffe à vos miches. Bakounine à côté, il va ressembler à Robert Ménard, je vous préviens. Mais on n'en est pas là, parce que des socialistes, il n'y en avait bizarrement pas beaucoup ce matin, salle des quatre colonnes, pour ne pas dire aucun. J'ai quand même rencontré un ex-PS, Olivier Falorni, député de Charente-Maritime. Qu'est-ce qu'il pense du 49-3, lui ? Me poser la question, c'est comme si vous me demandiez ça vous fait plaisir d'avoir un 357 Magnum sur la tempe ? Ah oui, alors lui, il n'est pas complexé du tout, Olivier. Il était chaud. Poursuivons avec lui. Alors, je sais qu'on parle d'urgence, mais si la démocratie parlementaire est un frein, alors il faut dissoudre le Parlement. Mais c'est vrai qu'il n'a pas le temps en ce moment, Manuel Valls. Il doit aller voir des matchs de foot. Enfin, il a plein de trucs à faire. l'affaire. Non, je ferai plus de commentaires sur ce sujet. Pour moi, l'affaire est close. Mais si pour moi, elle n'est pas close, l'affaire, par exemple. C'est votre choix. Et c'est ça, la démocratie. J'ai le droit de vouloir continuer à en parler et les députés ont le droit de s'en foutre complètement. C'est la démocratie à la française. C'est d'ailleurs pour ça que les migrants veulent venir chez nous. Et les migrants, c'est la spécialité d'Éric Ciotti, avec qui je vous propose de conclure cette chronique. C'est de dire qu'on ne peut pas accueillir aujourd'hui des migrants à qui on ne peut pas offrir ni travail, ni logement et qui vont vivre dans des camps. Est-ce que c'est ça la conception de la dignité humaine? Je ne le crois pas. Et est-ce que c'est les laisser mourir chez eux, la conception de la dignité humaine? Ils ne meurent pas chez eux. Je m'inscris en faux contre cette exception. Et voilà, toujours finir, je vous dis, sur une excellente blague. Les migrants ne meurent pas chez eux. Ben non, Eric, ils viennent pour le plaisir, pour te voir, parce qu'ils t'aiment, toi, le français d'origine italienne, et parce qu'ils aiment Manuel Valls aussi, le français d'origine espagnole, qui les laisse dormir dans la rue. Mais ils viennent aussi en voyage pédagogique, observer une démocratie qui, si elle continue comme ça, va bientôt disparaître. Merci Guillaume Meurice. Les migrants viennent aussi parce qu'ils aiment beaucoup l'andouille de vie, réparée. Ah, c'est possible. Je vous le dis, c'est, enfin, voilà, parce que faut compléter le propos d'Éric. Ça vient d'Éric Ciotti. C'est Rallal l'andouille de vie. Ne nous emmenez pas sur ce terrain. Ce soir, à 21h30, on peut vous retrouver, Guillaume Meurice, à la Nouvelle Scène pour votre spectacle Que demande le peuple, où vous pourrez faire un bel exercice de démocratie aussi, j'imagine. Chez vous, c'est obligé. Et puis le 25 juin, venez nombreux, Salle Gaveau. Salle Gaveau, on va faire la fête, Guillaume Meurice, moi-même et César. Et on vous donnait des places la semaine dernière et on vous demandait de jouer. La question était, quelle fut la première phrase de Didier Deschamps en entrant dans le vestiaire après la défaite contre la Belgique? Alors, Sepp Combet nous propose, heureusement que le PS n'a pas payé un avion à Manuel Valls pour voir ça, ce qui est une bonne analyse. Sacha Pelletier nous propose, c'est bien, vous êtes tellement des peintres que vous pourriez rejoindre l'école flamande. Hommage à la Belgique, c'est bien deux places aussi pour lui. Et spécial pour vous, Xia Auxine qui nous propose, je vais prendre exemple sur Cincinnatus qui préférera quitter le foot pour retourner à ses champs et ses charrues. Des places pour eux et on relance le concours, on redonne des places. Guillaume, quelle est la prochaine question? Prochaine question, et bien trouver la prochaine bonne raison de Manuel Valls de prendre un Falcon. Ça sent les nombreuses réponses sur Facebook. Parce qu'on avait envie de rouvrir le débat une fois plus. Oui. En compagnie de Caroline Loeb, tout de suite le sujet 2. Une famille sur 10 est une famille recomposée. Il y en a que ça réjouit, les marchands de meubles et le secteur automobile. Et quand ça se passe mal avec la belle-mère, c'est aussi une manne financière pour le secteur du nettoyage. Peut-être pourrions-nous trouver de quoi t'occuper davantage. Voyons un peu. Il y a ce grand tapis dans le hall d'entrée. Nettoie-le. Les fenêtres du premier jusqu'au dernier étage. Lave-les. Ah oui, il y a aussi les rideaux et les tapisseries. Mais je viens de les faire. Recommence. Et tu nettoieras le jardin sans oublier la terrasse, les marches d'escalier, la cheminée, indépendamment bien sûr du lavage, repassage et couture habituelle. Cendrillon. Bah oui. Dans ce cas-là, clairement, il y a besoin d'un coach dans la gestion, non? En tout cas, figurez-vous que des coachs vous proposent leur service pour être performants dans la gestion de la famille recomposée. C'est l'objet d'une double page dans Libération aujourd'hui. Parce que le coach, c'est plus facile d'aller voir un coach qu'un psy. Je trouve ça pathétique. Non, mais franchement. Alors là, c'est clair, là, vous êtes engagé. Ah. Non, mais vraiment, déjà, cette idée d'être performant. Moi, j'adore l'histoire de Freud, d'une femme qui vient voir Freud et qui lui dit, docteur, qu'est-ce que je dois faire pour élever mon fils? Et il lui dit, madame, faites ce que vous voulez, de toute façon, vous aurez tort. Voilà. Je crois que ça résume. Non. Oui, en effet, ça résume bien la situation. Sujet. Non, mais c'est cette idée de performance, d'être au top, d'être. Je trouve ça, mais vraiment, par exemple, pour les vacances d'été, quand on est en famille recomposée. À la rigueur, on est recomposé même plusieurs fois. Il faut un business plan pour les vacances d'été, non? Mais non, mais on fait ça à l'arrache, on fait ça comme ça vient, il n'y a rien de particulier. Il y a des gens qui ont des difficultés, parce qu'on le voit, Pascal le grand frère, pour le coup, on voit que c'est des... Vous êtes à la référence. Vous présente notre sociologue, Alex Vizorek. C'est souvent des familles recomposées, mal organisées. Tu m'avais dit qu'un jour on citerait Pascal le grand frère. Mais ils sont mal organisés de toute façon, même s'ils étaient restés ensemble. C'est des gens bordéliques. Donc ils étaient de toute façon mal organisés, ça ne change rien. Mais on voit très bien dans une famille en or qu'il y a des problèmes dans les familles. Effectivement, écoutez, dans Pékin Express, ils ont des problèmes lors de leur déplacement. Et vous n'avez pas de problème entre vous? On est une sorte de grande famille recomposée, oui, voilà, c'est vrai. On va inviter Pascal le grand frère pour venir. Mais voilà, exactement. Nous sommes en compagnie de Caroline Loeb. Vous mettez aussi en scène le spectacle Le Goujon Folichon. Cabaret absolument. De Maison Close, dites oui. donc. Chaque samedi du 4 au 25 juillet au Théâtre du Marais. Absolument. Un petit mot sur le Goujot Folichon. Un petit mot, c'est Julien Fantou qui est un chanteur lyrique que j'ai rencontré, qui m'a dit je voudrais préparer un spectacle en hommage à mon arrière-grand-mère qui était tenancière de bordel sur les bords de la Loire. Voilà. Un bordel où allait Jean Lorrain, dont parle San Antonio. Voilà, inutile de vous dire que je suis contre la prostitution, mais en revanche, le répertoire que ça a inspiré est absolument merveilleux. Donc il est accompagné d'un accordéoniste, Gérald Elliott, et c'est un petit bijou, c'est drôle, c'est émouvant. Il y a du Fernandel, du Yvette Guilbert, du Juliette Nourredine. C'est un spectacle. Et qu'en pense Bernard de la Villardière alors sur cette histoire de Moi, je mets en scène une comédie musicale néo-nazie. Je suis tout à fait contre le racisme, mais franchement, ça donne des belles images, c'est très agréable. Non, mais Les années de Visconti, c'est un très beau film. Ça Caroline Loeb est avec nous jusqu'à 18h, et à vos côtés, il y a Nicole Ferroni. C'est l'instant scientifique de cette émission. Et je n'ai pas non plus de jingle. La semaine dernière, on avait parlé de cigales, et voilà, comme je sais qu'autour de cette table, excepté pour notre invité, il y a quand même quelques problèmes de lenteur quant à la compréhension des choses. Non, mais je suis assez cigale, en revanche. Ah, aussi, j'ai préféré rester dans le même domaine, à savoir les abeilles qui risquent d'avoir un été difficile, puisque comme nous l'annonce Science et Avenir cette semaine, la loi de la biodiversité vient de voir son vote reporté à l'automne 2015, alors que sa mise en route était initialement prévue pour 2013, ce qui lui laisse, comme vous pouvez le constater, très peu de temps sa mise en place. Oui, voilà, puisqu'il faudra aux associations écologiques du coup remonter le temps. Or, elles n'ont pas le temps de remonter le temps, puisqu'elles doivent déjà remonter les bretelles du gouvernement, puisque le responsable de la fondation Hulot, monsieur Orphelin de quoi ? De cette loi, ainsi que l'astrophysicien Hubert Reeves, qui était censé piloter non pas une fusée, mais l'Agence nationale de biodiversité, ont appelé tous deux Manuel Valls à tenir ses engagements et à faire voter cette loi avant l'été. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, éviter une grosse honte internationale, puisque pour rappel, la France organise la COP21, conférence pour le climat, et que oublier de voter une loi sur l'environnement l'année où on se montre spécialiste de l'environnement, c'est un petit peu comme organiser une réunion Tupperware sans Tupperware, ça ne se fait pas. Et puis, la deuxième raison, c'est l'urgence de certaines situations, notamment la protection des abeilles, puisque cette loi prévoyait l'interdiction des néonicotinoïdes, insecticides à qui on impute l'effondrement de la population d'abeilles domestiques. Apis mellifera, très connue pour leur tube Because I'm Happy, ainsi que le miel qu'elle fabrique, mellifera fera du miel, alors que leur rôle fondamental est surtout la pollinisation, puisqu'actuellement un tiers de nos cultures alimentaires sont abeilles dépendantes, puisque c'est elles qui assurent la fécondation des fleurs. Donc sans abeilles, pas de citron, pas d'abricot, pas de brocoli, vous allez me dire tant mieux, pas d'orange. Non, c'est bon les brocolis. Oui, aussi, bon, d'accord, et ok, très bien, vive les brocolis. Et en ce moment, la mortalité des abeilles en France avoisine les 30% contre 5% seulement dans les années 90. Alors bien sûr, la première suspicion s'est portée sur la chanson « Dieu m'a donné la foi » de Ophélie Winter, sortie en 96, qui pourrait expliquer la première hécatombe des abeilles revue en 97, avec cet argument simple que si Dieu donne la foi à Ophélie Winter, que reste-t-il aux abeilles ? Et puis, rapidement, les scientifiques ont identifié d'autres causes plus plausible parce que même Thomas VDB est atterré et ça c'est grave. Désolé, je fais parce que Thomas VDB vient de faire sur une chronique de Nicole Ferroni. Oui, c'est vrai. Bon. C'est alors gonflé. Parmi les causes naturelles, il y aurait donc le frelon asiatique, prédateur redoutable, qui dès lors qu'il rentre dans une ruche te fait un méchoui d'abeilles. Il y a encore 12 aussi... pages comme ça. Non, il y en a plus. Non, si on est à la deuxième. Il y en a 8. Il y a ensuite ce parasite, le varroa. Alors varroa, V-A-2-R-O-A, et pas varroa comme les habitants du Var, puisque eux, comme ils boivent déjà du rosé, ils n'ont pas le cœur à susauter de la lymphe d'abeille. Et puis, parmi les causes non naturelles, il y a ces fameux néonicotinoïdes, insecticides mis sur le marché depuis 94. Or, d'après une étude publiée par la revue Nature cette année, non seulement les néonicotinoïdes, c'est pas facile à dire, ont un impact très négatif sur les abeilles, puisqu'elles les désorientent, et du coup, les abeilles ne retrouvent pas leur ruche et meurent, mais aussi ces néonicotinoïdes ont en plus tendance à les attirer. Et donc, il se produit avec ces substances sur les abeilles la même chose que la nicotine avec les hommes, c'est-à-dire que même si ça contribue à les tuer, elles aiment ça. D'où le fait que l'Europe ait fait voter voté en 2013 une interdiction partielle de ces néonicotinoïdes pour 2 ans. 2 ans, c'est la durée moyenne de résistance d'un député européen face à un lobby puissant phytosanitaire. Au-delà de cette durée, il décède. Et cette restriction concernait 3 molécules. Le thiamethoxam, le clothianéonide et l'éthydre. Je vous laisse chercher sur Internet, respectivement présentes dans 3 insecticides, le cruiser de Syngenta et le poncho et le gaucho Bayer. Alors attention, gaucho, ça s'écrit comme gaucho, mais ça ne l'est pas. C'est beaucoup plus capitaliste que ça, puisque avec Bayer, comme ils produisent à la fois des produits phytosanitaires cancérigènes, mais aussi les médicaments qui permettent de contrer le cancer, vous voyez, en une seule fois, en un seul achat, vous pouvez tout acheter chez eux. Et donc, si vous rendez sur le site de ces fabricants de néonicotinoïdes, concernant la mort des abeilles, eux évoquent une toute autre cause. Alors, je vous cite cette phrase de Syngenta. Il faut Syngenta, c'est les fabricants. Il faut considérer les effets des produits utilisés de manière inappropriée par les agriculteurs quand les recommandations d'utilisation des produits ne sont pas suivies alors qu'elles sont clairement indiquées sur les étiquettes. Autrement dit, selon ces fabricants, si les abeilles meurent, c'est surtout parce que les agriculteurs sont cons. En effet, tant que cette loi de la biodiversité n'est pas passée, il y a de fortes chances que les apiculteurs restent complètement consternés. Jeu de mots, Nicole Ferroni dans le texte. Bravo. C'est brillant. Néonicotinoïdes. Ah ouais, bravo. On apprend des choses ici. C'est dingue. Nicole Ferroni, qu'on retrouvera bien sûr demain matin dans la matinale. Mais je n'ai pas encore écrit ma chronique. C'est pas grave, vous serez face à qui? Vous pouvez l'annoncer. Badinter. Je devais avoir Fontenoy, mais bon, écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça. Demain matin, Nicole Ferroni. Troisième sujet avec Caroline Loeb, l'administrateur général du Français. Éric Ruff a présenté hier la nouvelle saison du Français. C'est son baptême du feu en tant que nouvel administrateur depuis un an, tandis qu'à l'Opéra Comique, Jérôme Deschamps tire sa révérence après 10 ans. Voyons à quel point c'est important un bon directeur de troupe. Non mais là ça va pas. Comprenez-moi bien, vous êtes des choux-fleurs. Hein, vous n'êtes pas des betteraves, vous n'êtes pas des brocolis, vous êtes des choux-fleurs. À la fois le chou et à la fois la fleur. Et ça je dois le sentir, hein, dans vos yeux. On a quand même un message à faire passer, là! Qu'est-ce que t'as, Honorine? T'as envie de faire pipi? Je veux pas être une frite. La blanche. Valérie Bonneton, comme quoi le français, ça mène à tout. Fais pas ci, fais pas ça. Caroline Loeb, vous êtes plutôt comédie française ou opéra comique? Ou les deux? Vous êtes plutôt Cyrano ou Les Mousquetaires au couvent en ce moment, l'opéra comique avec Jérôme Deschamps? Alors, si j'ai vraiment un grand, grand regret, c'est de. J'ai pas été voir la programmation à l'opéra comique, qui est un endroit que j'adore. Et chaque fois que je vois les affiches de Jérôme Deschamps, j'ai envie d'aller voir les spectacles, je trouve ça absolument ravissant. Mais j'adore le français, comme vous dites. La comédie française. Qui en fait n'est pas du tout poussiéreuse, où j'ai vu des chefs-d'œuvre. J'ai vu Le Songe d'une nuit d'été il y a 15 jours, mis en scène par Muriel Mayat. C'était formidable. Merci Caroline. Je suis dingue de Christian Eck, qui est un pur génie. Parce qu'il est belge. Et j'ai vu, parce qu'il est belge. Voilà. J'ai vu qu'il allait mettre en scène 20 milieux sous les mers, donc je pense qu'on va se régaler. Et voilà, j'ai vu que Alain Françon allait faire une mise en scène, Jean-Louis Benoît, dont j'avais vu Le Réviseur avec Podalydès. Et le français, c'est un endroit absolument magnifique et j'ai toujours beaucoup, beaucoup d'émotions à y aller. Il y a des grands metteurs en scène, des grands acteurs. Est-ce qu'on juge aussi les administrateurs du français ou les directeurs de troupes, justement, à leur gestion de cette troupe? Est-ce que c'est à cette aune qu'on va juger le travail plus tard d'Éric Ruff ou... Peut-être, mais en tout cas, pas moi. Moi, je suis juste spectatrice, fan, je découvre des spectacles, voilà, des bons, des moins bons. Mais vous regardez, tiens, là, Jérôme Deschamps, il est à l'Opéra Comique, est-ce que j'ai envie de retrouver sa patte? J'ai envie, mais j'ai pas été. Moi, je suis une conne comme les agriculteurs. Mais vous avez encore le temps, alors, d'aller voir Les Mousquetaires au couvent. Il y a un très bel article dans La Croix aujourd'hui, une pleine page qui encourage à y aller, en tout cas. Si La Croix le dit, alors là. Attendez, parce que c'est La Croix qui parle des Mousquetaires au couvent. S'il vous plaît, il y a des troufions et des curés, ça va vous c'est plaire, parfait. Ça, Guillaume Meurice. Je vais me mettre au premier rang. Voilà, alors l'administrateur général, donc Éric Ruff, invite notamment pour la prochaine saison Arnaud Desplechin en ouverture de saison, donc plutôt le cinéaste, pour une première mise en scène au théâtre avec Père de Strindberg, une pièce de 87. Est-ce qu'il faut en penser quelque chose? Parce que moi-même, je n'arrive pas à me faire un avis. Strindberg, moi. Ça va mettre 1887. Oui, c'est j'ai dit oui, quoi c'est le siècle bien sûr, 87. 1887, bien sûr. Oui. En penser quelque chose, je sûrement, pas, mais enfin, faut on penser quelque chose vu, de cette. On va dire que des conneries. Mais il faut prendre le risque. Il faut prendre le risque d'aller à la Comédie Française parce que. Mais c'est pas un risque. Mais non, non, ça peut. Enfin, ça peut l'être. Il y avait un Antigone qui était. Il y avait un Antigone qui était discutable ou discuté. Après, il y a des trucs qui sont pas bien. Mais il faut prendre le risque d'aller au théâtre. Exactement. Et pas que à la Comédie Française. Non, il faut aller au théâtre. Il faut enlever. Il faut prendre le risque. Ça donne un truc terrible. Il y a rien de dangereux. C'est moins dangereux que penser qu'on se couche, on se couche. Le seul truc dangereux, c'est au risque de se faire chier, quoi. Mais bon, quand c'est bien, s'il y a un truc dangereux, je vais vous dire, c'est l'actualité. Yes. What do you want? Me to go back? Need to know to win. No problem. News au kilo. There is a bit more. Je vous le mets. Again the no. J'espère que votre transition sur le dangereux va être enseignée dans les écoles parce qu'elle était brillantissime. Michel Drucker a testé son one-man show ce week-end à l'occasion, d'un salon du livre des people appelé le Festival Plume de Star qui s'est tenu à Aix-en-Provence. Le quoi? Festival Plume de Star. C'est un salon où il n'y a que des gens connus qui signent leurs livres. Ah ouais, donc le Festival du Nègre d'Aix-en-Provence, quoi. Oui, okay. C'est pas très sympa, parce que moi je serais ravi d'y aller avec mon livre, vous voyez. Ah ouais, mais il y a un problème, Alex. Oui, je sais, j'ai écrit mon livre moi-même. Bah non, mais non, c'est pas ça, c'est que c'est une star. Oui. Ah oui, c'est ça, oui. Voilà. Bon ça. Ouais. Comme on est, nous sommes une émission de service public, on fait semblant de ne pas entendre, je propose, nous passions, une offre d'emploi. Si tu touches ta bille dans ce sale média, avec ton tardi, t'as plus d'ambition que fille à Chevilla. On cherche aussi des clips. Je suis curieux de savoir le nombre de CV qu'ils vont recevoir grâce à ce clip. En tout cas, envoyez-les nous. Alors, si vous voulez comprendre, il faut réécouter le début de cette émission. C'est une offre d'emploi faite sous forme de clip rap par une société informatique. Allez, on termine par une bonne nouvelle. Oui, à 103 et 91 ans, George et Doreen sont les plus vieux mariés du monde. C'était ce week-end en Angleterre. C'est beau, ils se sont dit oui pour la vie. Oui, enfin, ce qu'il en reste. Oui. Bravo, ça fait plaisir de finir comme ça, c'est engageant. Prenez pas trop de risques quand même, et on rappelle, le théâtre, ce n'est pas dangereux. Allez-y, Comédie Française, Opéra Comique, lâchez-vous. Ou Festival d'Avignon. C'était ma transition, figurez-vous. Au Festival Avignon du 4 au 26 juillet, au théâtre Le Coin de la Lune, dans une mise en scène d'Alex Lutz et les costumes de Jean-Paul Gaultier, c'est Caroline Loeb, Georges Sand, Ma vie, son œuvre. Et puis on rappelle aussi cette mise en scène du spectacle Le Goujon Folichon, cabaret de maison close. Allez-vous en canailler, c'est chaque samedi du 4 au 25 juillet au théâtre du Marais. Merci Caroline Loeb d'être restée avec nous. Merci. Merci Nicole Ferroni, qu'on retrouve demain matin à 8h55. Oh, Thomas VDB, Guillaume Meurice ce soir à la Nouvelle Scène, et puis Alex Vizorek. Et le mot de la fin à Manuel Valls, le moment où il a décidé de dégainer le 49-3. Offensive, je prends la solution. Je choisis, ça y est. Je suis sûr de moi. Je prends l'offensive. Ferme ta gueule. Ok.